en signe de soutien à la lettre verte du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée, il faut accepter immédiatement les mesures pratiques audacieuses et réelles pour dissoudre la tension militaire et les dangers conflictuels dans la péninsule coréenne. Le Comité suisse-Corée et le Cercle suisse d'études des idées du jeté ont publié le 21 une déclaration commune.